Bosco, Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal. Voici les grands titres. Un système de forage d'eau potable d'une capacité de 20 000 litres par heure a été remis officiellement par l'ONG internationale Amaziwot au centre hospitalo-universitaire de Kamenge. Les autorités administratives et policières de Rumonge décident de rouvrir le dossier des personnes suspectées d'être impliquées dans les incendies ayant ravagé les boisements de manioc dans les communes de Bugarama et Burambi. Notre correspondant nous le dira. Les prix des denrées alimentaires comme le riz et le haricot explosent sur le marché. Notre reporter a pu visiter celui de Ruvumera. Et sur ce sujet, l'organisation Pisque Burundi dénonce l'impunité dont jouissent certains commerçants spéculateurs. Et au chapitre éducation, nous évoquerons la plaidoirie de l'association Sogepaye en faveur des enfants non scolarisés de moins de 18 ans pour qu'ils puissent apprendre les métiers modernes identifiés dans leur milieu de vie. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Un système de forage d'eau potable d'une capacité de 20 000 litres par heure a été remis officiellement par l'ONG internationale Amaziwot au centre hospitalo-universitaire de Kamenge. La cérémonie a été rehaussée par la présence des ministres de l'énergie et celui de l'éducation nationale, alors que le directeur général du CHUK indique que ce don vient à point nommé, surtout que cet hôpital accueille autour de 2 000 patients par jour. Le responsable de la région nord-ouest au sein de cette ONG internationale rassure qu'une fois mandatée par le gouvernement, elle fera tout pour que la population ait accès à l'eau potable. Sheila Irambona. C'est par une visite guidée du lieu où on a implanté le système d'eau potable qu'on a débuté les activités de remise officielle du système d'eau potable construit par l'ONG Amaziwota. Des activités rehaussées par le ministre de l'Éducation ainsi que le ministre de l'Énergie et Mines. Ce mercredi, au cours de l'interview accordée à la presse, le responsable de la région Nord-Ouest a indiqué que ce système va permettre à l'hôpital Roi Khaled d'avoir accès à 20 000 litres d'eau potable par heure. Nous avons construit un système de pompage d'eau propre par forage. Nous avons construit un système qui fonctionne par rayon solaire et aussi avec l'électricité de la régie des eaux. C'est un système automatique. Quand il n'y a pas de rayon solaire nécessaire, le courant électrique prend alors le relais, alimente l'hôpital et les patients qui sont ici, le staff, tout le monde qui est ici à l'hôpital peut bénéficier de l'eau à travers ce système d'eau construit par l'ONG Amaziwot. Ce système, comme vous pouvez le voir, c'est un système qui est capable de provisionner l'eau la quantité de 20 mètres cubes par heure. Vous entendez que s'il fonctionne avec les rayons solaires et aussi l'électricité, il peut donner beaucoup de l'eau. Et au directeur de cet hôpital d'ajouter que plus de 2000 personnes fréquentent cet hôpital chaque jour et que ce système va permettre à cette institution d'assurer certains services liés à la propreté des lieux ainsi que à la stérilisation du matériel. Nous avons une capacité de 500 personnes qui ont chacun un garde-malade. Là, nous avons au total 1000 personnes. En dehors de ça, il y a des visiteurs, il y a des étudiants qui font des stages. Je dirais que nous avons en moyenne 2000 personnes qui passent par l'hôpital chaque jour. Vous entendez par là qu'un nombre assez important nécessite de l'eau et surtout dans les lieux d'aisance, dans la propriété de nos locaux, ainsi de suite. Avec l'avènement de cette ONG Amaziwot qui a pu nous procurer de l'eau potable et en quantité suffisante, nous parvenons quand même à couvrir nos besoins. Et nous avons essentiellement le service de buanderie, service qui est chargé de nettoyage et lavage des instruments de l'hôpital ainsi que de l'ingénierie des patients. C'est un service qui consomme énormément d'eau. Actuellement, je dirais qu'on est réjouis, nous sommes très à l'aise puisque nous ne connaissons plus son manque préquilat d'eau. Pendant les discours qui ont eu lieu, certaines autorités ont demandé à ce que cette ONG fasse tout pour octroyer de l'eau dans d'autres localités. Le responsable de la région nord-ouest affirme que cette ONG est prête à mettre la main dans la pâte. Avec différents partenaires, je dirais là, le gouvernement du Burundi, différents ONG, différents partenaires, je crois qu'ensemble, nous pourrions faire quelque chose. Ensemble, nous pourrions donner de l'eau potable à toute la population. Cette ONG internationale Amaziwota est présente presque sur tout le territoire national. À Bujumbura, mairie, il a déjà construit 40 systèmes d'accès à l'eau potable par forage. L'administration provinciale de Mwaro indique avoir bien accueilli la promesse du gouvernement de relancer le régime d'internat dans les écoles secondaires. Le chef de cabinet du gouverneur de cette province trouve que ce projet viendra améliorer le niveau intellectuel de ceux qui vont en bénéficier. Et pour y parvenir, Athanase Tshiza propose à la commission créée pour mettre en exécution ce projet d'effectuer des descentes à l'intérieur du pays pour inventorier tous les besoins en collaboration avec les responsables chargés de l'éducation. Suivez Athanase Tshiza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Mwaro. La population de la province de Mwaro a accueilli très favorablement cette mesure de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et elle attend impatiemment qu'elle soit mise en application. Les défis ne manquent pas pour les écoles, que ce soit les écoles à régime d'internat ou bien les écoles à régime d'externat. Pour les écoles à régime d'internat, c'est des fois le manque d'équipement suffisant, et peut-être aussi le côté rationnement des élèves, etc. C'est effectivement des écoles qui sont âgées. Et là, vous comprenez que les infrastructures qui vieillissent, ils doivent être réhabilités pour pouvoir accueillir les enfants comme il faut. En premier lieu, c'est la réhabilitation et l'extension en cas de besoin. Et puis, il y a aussi l'exiguïté de certains locaux, parce que les écoles, des fois, ont été construites pour une population X, mais on se retrouve avec une population qui a doublé. Donc, une population d'élèves qui a doublé. Là, vous comprenez que les enfants doivent partager le peu d'espace qu'il y a. Là, je pense que ça nécessite des mesures pour bien accueillir ces enfants. Bon, d'emblée, elle devrait contacter les praticiens, je dis bien les directeurs d'école ou bien les enseignants qui sont sur terrain. Ce sont eux qui connaissent mieux les défis auxquels ils font face. Je pense même que dans la commission, il devrait y avoir quelques représentants de cette catégorie, s'il n'y en a pas déjà. Donc, savoir sur quoi ils peuvent commencer, c'est d'abord d'inventorier les défis que les écoles rencontrent, et puis de proposer des voies de solution. C'était Athanase Tshiza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Mwaro. Je vous l'avais dit dans les titres, les prix des denrées alimentaires de première nécessité comme le riz, le haricot ont augmenté. Notre reporter a constaté au marché de Rouvumera que le kilogramme de riz dit routété coûte aujourd'hui 4700 francs contre 3500 il y a deux mois, alors que le haricot appelé Kinouré s'achète à 3500 francs burundais le kilo contre 2800 il y a deux mois également. Acheteurs et consommateurs trouvent que la disponibilité du carburant pourrait inverser la tendance. Un reportage de Jean-Marie Mayonga. Certains commerçants et consommateurs rencontrés au marché Rouvumera dans la zone Buyenzi expliquent que les prix des aliments ont connu une hausse d'une façon exagérée s'ils comparent à la situation il y a deux mois. Ils précisent que le riz cultivé au Burundi, un kilo qui était à 3 800 francs burundais aujourd'hui, arrive à 4 700 francs. Les haricots appelés Kinouré, un kilo qui était à 2 500 francs il y a deux mois, aujourd'hui, s'achète à 3 500 francs. Ces commerçants expliquent que le manque de carburant pour le déplacement de ces produits fait que eux aussi augmentent les prix des produits quand ils les acheminent dans les marchés où ils exercent leurs activités. Les prix des denrées alimentaires ont connu une hausse énorme. En exemple typique, le riz qu'on achetait à 3 500 francs burundais, aujourd'hui s'achète à 4 500 francs burundais. Le riz zambien simple que l'on achetait à 3 000 francs burundais se vend à 4 000 francs aujourd'hui. Le petit pois est passé de 6 000 francs burundais à 10 500, voire 11 000 francs burundais. Nous pensons que la cause de cette hausse est le manque de carburant. Ici, les vélos n'y arrivent pas. Et ces taxis font payer beaucoup à cause du manque de carburant, ce qui fait que les prix augmentent. La situation a totalement changé. Le kilo de riz que j'achetais à 3 000 francs, et je l'achète aujourd'hui à 6 000 francs. Que ce soit ces commerçants ou les consommateurs, tous demandent à l'État de tout faire pour que le carburant soit disponible afin que le prix des denrées alimentaires diminue pour qu'eux aussi ne travaillent pas à perte. Nous demandons que le carburant soit disponible, que l'État use de toutes ses forces pour trouver du carburant. Nous demandons à l'État de tout faire pour résoudre le problème de manque de carburant et la situation va changer. Dans ce marché de Rouvumeira, ces commerçants disent qu'un kilo de sel qui était à 2000 francs aujourd'hui arrive à 2500 francs. Quant à l'achat de l'huile marque Oki et Tournesol, un bidon de 5 litres qui était à 48 000 francs bondé aujourd'hui s'achète à 80 000 francs bondé. Et sur ce sujet, le président de la plateforme des organisations de la société civile Pisque Burundi estime que cette montée des prix est consécutive à une spéculation des commerçants qui reste malheureusement impunie. Jean-Marie Douimana demande par ailleurs au gouvernement de réguler les prix des produits de première nécessité et de réduire les taxes et impôts sur certains produits les plus consommés. On l'écoute. Au sein de la Pisque Burundi, nous sommes inquiets et nous avons peur de voir la hausse des prix sur le marché pour les biens de première nécessité et des denrées alimentaires en général. Au sein de la Pisque Burundi, nous constatons tout simplement, premièrement, qu'il y a le non-suivi des institutions habilitées en matière pour la gestion des prix des biens de première nécessité et des denrées alimentaires sur le marché. Même si il y a toujours un problème de devise aussi compte tenu de l'économie nationale, cette hausse des prix sur le marché ne démontre jamais noir sur blanc son manque de devise. Alors, au sein de la Pisque Burundi, nous recommandons le ministère de l'Intérieur de prendre des mesures appropriées pour bannir ce comportement de certains commerçants qui font le sabotage, c'est-à-dire qui augmentent des prix comme il veut, aussi de suivre de près la régulation des prix sur le marché en général. Aussi, la Pisque Burundi recommande au gouvernement burundais de prendre des mesures urgentes pour diminuer les prix pour certains produits, notamment les denrées alimentaires, comme ça a été observé dans le passé pour certains produits, certains biens. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les suspects dans l'affaire des incendies des boisements de Manio dans les communes de Bugarama et Burambi doivent être arrêtés de nouveau pour être traduits en justice et attendre la décision du tribunal. Cela a été décidé lors de la réunion de sécurité provinciale de ce mardi à Rumonge. C'est après des inquiétudes exprimées par le responsable de l'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Rumonge. En effet, les suspects arrêtés pour incendie d'environ 400 hectares de ces boisements auraient été illégalement relâchés. En ligne de Rumonge, Jean-Pierre Misago. À part une personne est punie, coupable de complicité dans l'incendie de 42 hectares de boisement de Manio en commune Muhuta, aucune punition n'a été infligée aux personnes arrêtées dans l'affaire incendie de 163 hectares de boisement de Manio en commune Bugarama et 234 hectares de boisement de Manio en commune Burambi. Les personnes arrêtées ont été plutôt relâchées par le parquet de Rumonge dans le cadre de Bugarama et par l'administration en collaboration avec l'officier de police judiciaire instructeur du dossier dans le cas de Burambi et certains parmi ceux qui avaient pris l'orage ont fait leur réapparition et circulent librement comme si de rien n'était malgré l'émission des mandats d'arrêt par le parquet de Rumonge. Déplore Obed Nineshwa, responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement en province Rumonge, dans une réunion de sécurité provinciale ce mardi. Pour lui, c'est une négligence des dossiers pourtant sensibles et voudrait que la tendance s'inverse. S'exprimant sur le cas de Bugarama, le substitut du procureur de la République à Rumonge reconnaît la relaxation des suspects sur demande de l'administration communale, mais que le dossier n'est pas pour autant clôturé et demande que les personnes sollicitées pour la poursuite des enquêtes se présentent. Dans tous les cas, cette réunion, présidée par Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge, a demandé que les personnes soupçonnées dans ces dossiers et libérées soient réarrêtées et ce sous mandat d'arrêt soit arrêté jusqu'à ce que le tribunal s'y prononce. Aux administratifs depuis la colline, il leur a été demandé de suivre de près ces dossiers jusqu'au tribunal, d'infliger des amendes à ceux qui font paître leur bêtes dans ces espaces incendiés, éveiller et arrêter les charbonniers de Rutongo en commune Muhuta. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro Chronique. Les enfants non scolarisés de moins de 18 ans pourraient bénéficier des métiers modernes identifiés en fonction des milieux dans lesquels ils vivent. David Ninganza, vice-président de l'association Sogepaye, qui milite pour les droits des enfants, fait savoir que la gestion pacifique des conflits devrait figurer parmi les enseignements qu'on donne à ces enfants pour qu'ils puissent afficher une bonne conduite dans la vie quotidienne. Cette chronique éducation est signée Jean-Marie Vianney Gendakoumana. Les enfants de moins de 18 ans non scolarisés peuvent faire des travaux qui ne peuvent pas avoir un impact négatif sur leur éducation et leur développement physique et mental. Explication de David Ninganza, vice-président de l'association Sogepaye, qui milite pour les droits des enfants. Il y a l'âge qu'on ne peut pas autoriser l'enfant à travailler. L'enfant qui a 16 ans, 17 ans, il peut travailler, mais des travaux qui ne sont pas lourds. Des travaux qui ne peuvent pas avoir un impact négatif, s'ils sont éducation, s'ils sont développement physique et mental, un travail qui ne peut pas exposer sa santé, qui ne peut pas exposer sa sécurité physique. C'est la raison pour laquelle il est strictement interdit que ces enfants travaillent dans des usines de transformation, dans des industries agricoles de transformation. Ces enfants nécessitent une protection spéciale. Faire travailler ces enfants dans les formels est considéré comme une exploitation faite par les adultes. Ces enfants sont dans le travail informel. Ils sont employés dans le travail informel. Alors, malheureusement, il n'y a pas une loi légiférant le travail informel au Burundi. Quand vous voyez des enfants qui sillonnent tous les quartiers avec des archides, avec des œufs, avec de l'eau froide, c'est-à-dire que ces enfants sont en train d'être exploités économiquement par les hommes adultes. Ça, c'est à bannir, c'est strictement interdit. La place de l'enfant, c'est l'école, c'est la maison. La place de l'enfant, c'est le travail qui ne fragilise pas l'enfant. C'est aussi des travaux, peut-être, qui peuvent initier l'enfant d'assurer son développement, d'assurer son avenir. Le vice-président de l'association Sogepaye, qui milite pour les droits des enfants, fait savoir que ces mineurs devraient apprendre des métiers qui nécessitent un peu de capital. Il y a des métiers qui peuvent façonner l'enfant dans un petit temps, avec moins de moyens. Avec la fabrication des pommelles, ça peut renforcer les enfants et c'est une formation qui ne dépasse pas 3 semaines, entre 3 mois et 6 mois. Il y a aussi la restauration moderne qu'on peut initier aux enfants. Il y a aussi la fabrication des pains, des beignets et autres services liés qui peuvent aussi aider les enfants. Donc, quand vous pensez au métier, les enseignements de ces métiers devraient se référer aux métiers déjà existants dans les milieux. Il faut situer tout d'abord le milieu de l'enfant. Parce que l'enfant de Nyanzala ne peut pas être encadré comme un enfant de Nyamulenza. L'enfant de Gishuvi diffère d'un enfant de Changuzo. Donc, le métier est identifié en fonction du milieu où l'enfant vit. Parce que on identifie tout d'abord le métier et aussi la production, comment il va assurer la production, aussi comment il va écouler les produits. David Ninganza ajoute que les parents jouent un grand rôle dans l'apprentissage des métiers à leurs enfants depuis l'enfance. Ici, je veux parler de quelques activités que le parent peut montrer à l'enfant, que le parent peut initier aux enfants pour l'encadrer dans l'avenir, d'embrasser la carrière professionnelle, d'embrasser la carrière des agriculteurs, des élevés, de développement dans tous les domaines. Et vous comprenez que le parent, il peut travailler avec un enfant dans le sens de l'encadrer, même les éducateurs. C'est banni par la loi burundaise, c'est réprimé par le code pénal burundais. Le gouvernement devrait, dit-il, rendre disponibles les écoles techniques partout dans le pays. Le Fonds des Nations Unies pour les enfants, UNICEF, contribue pour plaider dans l'intégration des besoins et des priorités spécifiques des adolescents dans tous les secteurs de l'action humanitaire. Il plaide également pour l'allocation des ressources adéquates aux services et aux programmes pour les adolescents, en particulier les plus défavorisés. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Thank you.